toujours dans l'aspect française avec la doublette à venir, Salo et Hysteria. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux formations qu'on va s'écouter dans une poignée d'instants? Salo, tout d'abord, du Blackening Cross Sludge, actif depuis 2019, récente formation, donc qui vient de sortir son premier véritable album, après un EP qui a vu le jour en 2021. 8 titres, une recette crado, nihiliste, malsaine, pas mal de samples, hein, extraits de films, des ambiances très indus pour renforcer cet aspect global, globalement froid et dérangeant. Batterie Elec, programmée par le cogneur de Venefiction, histoire de renforcer l'aspect globalement déshumanisé de cette musique extrême proposée par Salo. Hysteria, ensuite, des vétérans de la scène lyonnaise, actifs depuis 1996, c'est le 4ème Elfort Studio qui voit le jour, du côté de chez Eddie Posser. On est sur un death un peu brutal, à la sauce un peu Blackening, qui n'est pas sans rappeler les Autrichiens de Belphégor, et on a même une petite touche un peu plus mélo, à la sauce scandinave. C'est frontal, c'est intense, avec des grosses atmosphères ultra soignées. Et voilà, plus de 25 ans de carrière donc pour la formation lyonnaise Hysteria. Au niveau des morceaux choisis, Salo, Liberté surannée, extrait de l'album L'Appel du Néant. Hysteria, My Demonic Quest, extrait de l'album Hérétique Sadistique and Sexual Ecstasy. C'est parti. L'affiche de couleur, déclouée au mur, elle représentait simplement un énorme visage large de plus d'un mètre. Le visage d'un homme d'environ 45 ans. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. On devait vivre en admettant que tout son aimé était entendu et que tout mouvement était perçu. le suicide. S'accrocher jour après jour, semaine après semaine, pour prolonger un présent qui n'avait pas de futur, était un instinct qu'on ne pouvait vaincre, comme on ne peut empêcher les poumons d'aspirer l'air tant qu'il y a de l'air à respirer. Va nous permettre de clôturer ce chapitre plutôt généreux ce soir de l'aspect hexagonal avec tout d'abord une nouveauté du Black, qui nous vient d'Orléans, Les Bâtards du Roi, toute récente formation hein, qui a vu le jour en 2022. Le premier album vient de sortir chez Lord Ali Noir, voilà encore ce très chouette label nantais, après War Inside, maintenant Les Bâtards du Roi. Un Black médiéval dans les thématiques, forcément ça vient d'Orléans, ça n'est pas sans rappeler Worms. 8 compos qui s'imposent en 4-5 minutes chacune. Un Black typiquement français, hargneux, mélodique, et déjà un sacré potentiel pour ce très récent projet avec ce premier effort studio. C'est plus la France, mais c'est pas loin quand même. Traveler, ensuite, groupe de Heavy qui nous vient du Canada, actif depuis une demi-douzaine d'années. Ils sortent là leur déjà troisième effort studio. On est sur du Heavy très années 80, les albums précédents étaient un peu plus Heavy Speed. Là, on est sur un Heavy un peu plus maturé, on va dire, un peu plus mélodique, tout en gardant cette espèce de grosse patate globale. Et voilà. Si on devait faire une comparaison, on préférera un petit Traveler plutôt que le dernier effort studio de Enforcer. Les présentations sont faites. Pour la musique, Les Bâtards du Roi, on s'écoutera le morceau Les Bâtards du Roi, extrait de l'album du même nom. Traveler, ensuite Take the Wheel, extrait de l'album Prequel to Madness. C'est parti. Dans ma voix. s'approche tout doucement de la fin de l'émission Hellbanger pour ce soir. Dans la doublette à venir, encore une nouveauté, Lunar Spells, que l'on enchaînera à Stygian Crown. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux formations? Tout d'abord, Lunar Spell, c'est du black, ça vient de Grèce, ça a vu le jour tout récemment, en 2020, et c'est déjà cependant leur troisième effort studio hyper prolifique. Un petit 5 titres, des morceaux font entre 6 et 7 minutes. On est sur du black d'approche assez raw, viscérale. On n'est pas loin d'une inspiration de la scène finlandaise. C'est brut, avec un côté mélancolique bien marqué dans les ambiances et dans les leads. C'est classique, mais c'est très bien fait. La Grèce ne déçoit que très rarement en termes de black metal. Stygian Crown, ensuite, ça nous vient de Californie, c'est de l'Epic Doom, d'inspiration Candlemas, Solitude of Eternus. Et à noter que c'est une femme qui tient le micro, donc on va tout de suite taper vers quelque chose qui n'est pas sans rappeler un Smolder. Une sortie sur le très bon label Cruz del Sur Music. C'est Doom, c'est massif, c'est théâtral, c'est épique à souhait, et on n'a pas le temps de se faire chier, du Doom que j'aime beaucoup donc. Pour les morceaux choisis, Lunar Spells, Aerie Nocturnal Shades, extrait d'album Sacraments of Necromantical Empires. Stygian Crown, ensuite Beauty and Terror, extrait d'album Funeral for a King. Et tout ça, c'est déjà dispo. We'll be right back. Dernière doublette dans l'émission de ce soir, mais ne partez pas, puisque juste après ça, on s'écoutera un dernier titre. They Came From Visions, c'est une nouveauté qui date de la semaine dernière. On vous les a présentés, voilà, ce mystérieux projet black metal qui nous vient d'Ukraine, actif depuis 2019. Le premier opus est sorti en 2020, le deuxième vient tout juste d'être démoulé. On est sur du black avec pour thématique le folk horrifique ukrainien, et donc probablement des petites légendes réadaptées pour l'occasion. En termes d'influence, on ne peut pas passer à côté d'un Drukt. Voilà, c'est rugueux, médiéval, hypnotique. Voilà, le morceau de la semaine dernière, enfin, je me rappelle, j'ai limite encore le riff en tête une semaine plus tard, c'est absolument incroyable. Et c'est un black vraiment très Europe de l'Est. Cercenatory en doublette avec They Came From Visions. On est sur du Brutal Death qui nous vient de Colombie, à tendance slam. Une sortie Comatose Music, c'est le second effort studio. Du Brutal Death sud-américain pur tradi, des titres qui font 3 minutes en moyenne, c'est massif, ça dégueule de partout et c'est super bien fait, la bonne grosse tartine de violence donc. Au niveau des morceaux choisis pour l'occasion, They Came From Visions, le titre Twilight Robes, sur de l'album du même nom. Cercenatory ensuite, Macabre Tripitation Orgy in Hell's Dungeon, coucou les titres absolument horribles. Gorsphere, c'est le nom de leur effort studio et c'est parti. We'll be right back. c'est la fin de l'émission. On va se dire au revoir avec un second extrait ce soir du dernier album studio de Job for a Cowboy, l'excellent groupe de Tech Death Ricain qui nous sort Moon Healer à la fin du mois de février. On se réécoutera donc un second extrait ce soir avec tout de suite le morceau Grinding Wheels on Ophanim. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. A très bientôt, ciao ciao.